Comment direz-vous, pouvez-vous accepter cette condition ? Comme acceptable, qu'on a déjà vu, accepter n'a qu'un seul C en espagnol. Puede. Puede, oui. Accepter. Puede aceptar. Aceptar, hein, avec un seul C. Ah oui. Encore une fois. Aceptar. Bien. Puede aceptar cette condition. Esta condición. D'accord. Hein. Puede aceptar esta condición. Comment direz-vous, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas accepter cette condition. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé, c'est littéralement, je le sens. Ah oui, lo siento. C'est ça, hein? Lo siento, je suis désolé. Donc, je suis vraiment désolé, c'est lo siento. Mucho. D'accord. Hein? Alors, encore une fois, je suis vraiment désolé. Lo siento mucho. D'accord. Lo siento mucho. Mais je ne peux pas accepter cette condition. Pero. Pero. Pero. No puedo. Pero no puedo. Hein? Accepter cette condition. Aceptar. Esta condición. Bien. Lo siento mucho, pero no puedo aceptar esta condición.